cafard, je connais bien le blues, je comprends tes envies. Allez voir ailleurs, fais pas ça, faut pas éteindre ton cœur. Pose donc ta peine sur mon épaule, j'essaierai de la porter. Faut pas tomber pour un chagrin, fais confiance au destin. Le temps passera, je t'aimerai pour deux, on deviendra heureux. Tu seras ma reine, moi ton valet, on sera bien tous les deux. On arrivera bien, je te le promets, à s'aimer pour de vrai. Sans amour, l'existence, tu sais, n'est qu'un désert immense. Où sentiments tués par le temps se perdent trop souvent. La vraie chaleur qui chauffe le cœur, c'est la chaleur d'amour. La vraie chaleur qui nourrit le cœur, c'est l'amour d'un amour. Je sais qu'on est fait pour s'entendre, se comprendre avec les yeux. C'est plus facile, tu sais, la vie, quand on fait front à deux. On arrive bien mieux à se parler quand on a le même chagrin. Relève la tête, je t'en prie, regarde-moi, laisse pas pleurer comme ça. Tu l'oublieras bien, cet amour qui s'est moqué de toi. Tu seras madame, moi dame oiseau, je t'emmènerai voir l'amour. Pour le plaisir de vivre ensemble, un paradis caresse. Sans amour, l'existence, tu sais, n'est qu'un désert immense. Le sentiment tué par le temps se perd de trop souvent. La vraie chaleur qui chauffe le cœur, c'est la chaleur d'amour. La vraie chaleur qui nourrit le cœur, c'est l'amour d'un amour. On se prendra un nouveau départ, il n'est jamais trop tard. Pour faire d'une blessure un amour qui peut durer toujours. Pour toi je serai musicien, magicien du destin. On chantera notre nouveau bonheur, on l'apprendra par cœur. Aie confiance en moi petit cœur, je me ferai douceur. Je vais disparaître ton chagrin, je le changerai en câlin. Donne-moi ta main, nous deux demain, on sera heureux enfin. Sans amour, l'existence, tu sais, n'est qu'un désert immense. Le sentiment tué par le temps se perd trop souvent. La vraie chaleur qui chauffe le cœur, c'est la chaleur d'amour. La vraie chaleur qui nourrit le cœur, c'est l'amour d'un amour.